Pour moi ça va, je tourne pas le dos à mes collègues, espèce de fada. Sauver des pêches sans le Prada. Tetetenga, 9 mm, tetetengre, tetetenga. Frankfurt, West, West, nach Marseille. Radar vom Fahrrad zum GT, lauf immer noch durch mein Cartier NSX. Großes Viertel, kleine Teles. Salam und Arrivederci. Salam und Arrivederci. Mama, komm später, muss kurz nach Marseille. Blancas und Kali im Take-Flips. Im Bendo gibt Kiki von Jean de Marie. Butters lacht nur drauf allein, Joel. Ich will 10 Joel in der Raum. Butters lacht nur drauf allein, Joel. Ich will 10 Joel in der Raum hoch. Digital, auf der Waage nur Galifa Hasch. Millimeter, spiele Tiki-Taka mit der Überasch. Kriminale, werden zu Kriminellen in der Nacht. Nie wieder, laufen aus Mamas grünen Augen. Pour moi ça va, je tourne pas le dos à mes collègues, espèce de fada. Sauver des pêches dans le Prada. Tetetenga, 9 mm, tetetengre, tetenga. Frankfurt, Westfries nach Marseille. Frankfurt, Allan, 936. Casquette, lunettes, paire d'Azix. P2, Oasis, pomme cassis. Vas-y, touche nous, on saute à 6. Matrix est dans l'RS6. Ça tire, ça met plus des gifles. A 22, j'étais un chien. A 23, j'faisais du chiffre. Pas ma faute, j'aime pas les racistes. Pas ma faute si j'prends des classiques. Dans la légende, comme la tête à Basile. J'suis l'original. Toutes les années, j'pète le score. C'est criminal. Que ça barre dans Audi Sport et Chiquita. On se dispute, elle veut que je la sorte, on le vit mal. Pour l'instant faut faire du chip, pour moi ça va. Je tombe pas le dos à mes collègues, espèce de fada. Sauver des pêches dans le Prada.